qui, y en a qui braquent, y en a qui volent des postes, y en a qui tournent à l'affût de l'or en évitant le poste. Y en a qui parlent pas, y en a qui parlent trop, y en a qui insultent le proc. Pourquoi quand je branche une mise, celle qui fait la maxi tout le temps la plus mort. Et au quartier, je me sens seul, mais y a personne qui descend. Y en a qui restent des terres, d'autres qui partent en courant pendant les descentes. Moi j'écrivais et je voyais les petits coupés des 30. En brouillant se regrouper, on était plus de 30. Je fais semblant d'avoir la mine, je vois ma tête dans les magazines. Je vois ma tête dans les magazines. T'es nouveau dans la tête, t'es là, tu parles, tu m'agresses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Tu vas où la princesse, tu m'as tourné le dos, j'ai vu tes fesses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Tu mets le nez dans la cesse, pour ta folle, ton pote tu le laisses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Il est comme toi, tu le rabaisse, tu donnes le go, même l'adresse. Comment t'es yama. Quartier, moi c'est ma vida. Mes potes vous aiment même si on se quitte. Pas de le boutin pour señorita. Je la préfère en Nike, c'est classique. Je rapperai toujours même sans buzz. T'écoutes pas Jules, tu n'es qu'une menteuse. T'aimes les rappeurs, t'aimes les voyous. T'aimes les sous, tu n'es qu'une bandeuse. Ça me dégoûte, t'es trop prétentieuse. Je te mets pas dans mes clips, ouais, même danseuse. Je pense que tu kiffes les cassos. Et t'aimes traîner avec des crasseuses. Ouais, j'ai donné tout ce que j'avais. Balance personne, non, j'y avais. J'aime ma zone, j'aime ma zone, j'aime ma zone. J'aime ma zone, j'ai commencé dans ma chambre. J'aime ce que je fais, j'ai tenté ma chance. T'étais mon frère, on fumait des pêtes ensemble. Amitié partie, on fumait, je dirais même ensemble. Faut pas que tu me dates, mais ça va partir en fight, tu veux un selfie. J'vis des trucs de fou. J'aime mes frères, ouais, sous écoute. Qui est qui, on le sait tous. Mais venez, on se tait tous. T'es nouveau dans la tête. T'es là, tu parles, tu m'agresses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Tu vas où la princesse, tu m'as tourné le dos, j'ai vu tes fesses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Tu mets le nez dans la cesse, pour ta folle, ton pote tu le laisses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Il est comme toi, tu le rabaisse, tu donnes le go, même l'adresse. Comment t'es yama, comment t'es yama. Comment t'es yama, comment t'es yama. Où la princesse, tu m'as tourné le dos, j'ai vu tes fesses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Tu mets le nez dans la cesse, pour ta folle, ton pote tu le laisses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Il est comme toi, tu le rabaisse, tu donnes le go, même l'adresse. Hein, comment t'es yama, comment t'es yama. Tu es nouveau dans la tête, tu es là, tu parles, tu m'agresses. Comment t'es yama. Tu es nouveau dans la tête, tu es là, tu parles et tu m'agresses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Tu es nouveau dans la tête, tu es là, tu parles, tu m'agresses. Comment t'es yama, comment t'es yama. Tu vas où la princesse.